Allons-y pour la chronique numérique et Raymond Poirier qui est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Mieux que la semaine dernière. Plus qu'il y a, moins que non. Oui. Ben, on va finir par avoir du beau temps, ça va aider. Là. Il y a beaucoup de virus dans l'air aussi. Là. Ouais, on n'est pas les... T'es pas le seul. Raymond, on va parler de démocratie numérique ce matin. Oui, en fait, sujet quand même relativement incontournable. On a beaucoup parlé depuis le début de l'année, en fait, de désinformation, d'engagement sur les médias sociaux, dans des nouveaux contextes, les données, l'ouverture. Et en farfouillant, je suis tombé sur un rapport assez intéressant qui a été publié en premier tiers de 2017 par un organisme britannique qui s'appelle Nesta. On reviendra sûrement sur cet organisme-là dans les semaines à venir parce qu'ils ont sorti une série de rapports extrêmement stimulants. Et celui sur la démocratie me paraissait particulièrement pertinent dans le contexte des chroniques des derniers temps. Et dans le fond, essentiellement, on se met dans un contexte là, où on est dans une société qui est très informatique, qui est très numérique. On l'utilise beaucoup d'outils dans le contexte de notre travail, dans le contexte de nos loisirs. Et dans cette société-là, ben l'organisme, dans son analyse, a l'impression que les institutions démocratiques, elles, semblent peut-être être un peu trop à la traîne. Ils donnent l'exemple du Parlement britannique où ils disent, regardez, on rentre là et on a de la difficulté juste à avoir de d'Internet sans fil. Donc, c'est dire à quel point les infrastructures ne sont pas présentes dans les contextes parlementaires, à tout le moins, pour accompagner de belle façon, si on peut dire, le travail des représentants élus. Et par extension, parce que c'est ça un peu que le rapport tente d'analyser, les relations qu'ils entretiennent avec les citoyens. Et le rapport dit, regardez, dans tous les autres domaines pourtant, là, en finance, en tourisme, dans notre expérience d'achat, dans notre travail, dans les relations sociales et le reste, mais tout a été quand même drastiquement transformé. Je pense que si on faisait le comparatif entre aujourd'hui puis il y a 30-40 ans, on verrait qu'il y a quand même énormément de choses qui ont changé, qui ont évolué, qui sont transformées. Ah oui, vraiment. Et dans bien des cas, on sollicite notre avis, on sollicite notre regard, on nous engage à travers différents outils. Je parlais de finances ou je parlais d'achat. Eh bien, en fait, on a l'impression qu'on a peut-être plus d'incidence en termes de données fournies, en termes de désir d'implication face à des entreprises privées qui essaient de nous vendre des produits de commerce, plutôt que, dans le fond, nos États qui cherchent à nous engager comme citoyens. Donc, c'est un peu le constat de départ, si on peut dire, que fait le rapport. Oui. Donc, quels seraient les défis dans ce rapport-là? Est-ce qu'on soulève quelques problèmes? Mais en fait, le grand problème qui est peut-être, disons, un corollaire direct de cet élément-là, de ce constat de départ, c'est la désaffection. En fait, on la connaît, on parle de cynisme ici, on en parle quand même beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Alors évidemment, tout n'est pas dans la question numérique, mais en partie, à tout le moins, c'est présent. Donc, c'est l'idée de dire, comme on a plus d'incidence dans toutes nos autres sphères de vie que la démocratie, si on peut dire, ou du moins on a l'impression qu'on a moins d'incidence, peut-être que justement ça accentue le côté archaïsant, si on peut dire, de notre système politique actuel et qui peut amener une certaine désaffection de ceux qui, dans toutes les autres sphères de leur vie, connaissent peut-être plus ou mieux, donc tout particulièrement des jeunes générations et le reste. Donc ça c'est le grand défi qui sous-tend la raison pour laquelle on doit s'intéresser à ces thématiques-là. Mais évidemment, les autres défis sont liés aux initiatives qui ont déjà été mises en place et qui n'ont pas nécessairement fonctionné non plus, parce que évidemment, encore faut-il réussir à proposer des solutions qui sont intéressantes, réussir à mettre en place des résultats qui sont liés à ces initiatives-là. Donc, des fois, on en fait trop, des fois, on n'en fait pas assez. Alors, on navigue dans des eaux inconnues d'un côté en termes de mise en place de système, mais de l'autre, on sait que dans l'ensemble des facteurs qui créent ce cynisme-là, il y a peut-être justement ce côté archaïque ou cette impression archaïque face à nos institutions. Et donc, ça devient aussi nécessaire éventuellement de naviguer, on en a inconnu justement, pour changer les choses. Mais ce qu'ils disent, c'est, regardez, il ne faut pas non plus envisager ça comme un changement, un simple changement. C'est un changement structurel, c'est un changement de culture assez fondamentale aussi que notre système doit faire pour intégrer ces nouvelles données-là. Et si on ne fait pas ce changement sous-jacent-là, on va rater l'opportunité. Mm-hmm. Mais qui peut le faire? Ça a l'air d'être une grosse machine et puis on a l'impression de ne pas avoir nécessairement le contrôle là-dessus, mais qui devrait prendre l'initiative? Qui, les gouvernements, comment ça... Mais ça revient au gouvernement, parce que c'est les seuls qui peuvent se réformer. Évidemment, après ça, ça dépend aussi des citoyens qui vont appuyer des gouvernements qui vont éventuellement réussir à mettre en place ces initiatives-là. Mais il faut que ça vienne, il faut que la demande soit d'en bas, mais que l'action soit d'en haut, et que les deux finissent par converger. On le voit, remarque, ici au Québec, avec l'intérêt que les gens ont à participer dès qu'ils sont sollicités, mais il y a quand même une réponse qui est assez rapide, ne serait-ce que sur les médias sociaux. Je me rappelle à un moment donné où le maire de notre ville avait dit, il y a une crise par rapport au ramassage des matières résiduelles, dites-moi ce qu'on devrait faire. Et il y a eu quand même des milliers de réponses assez rapidement. Alors, ça montre que les gens ont désir, si on peut dire, de s'impliquer dans la sphère démocratique, de se sentir engagé dans la gestion de leur État. Maintenant, est-ce que l'État est en mesure de bien utiliser ces éléments-là? Et ça m'amène un peu d'ailleurs aux recommandations qui sont fournies par Nesta dans leur rapport. Et la première est directement liée à ça. C'est de dire aux élus, d'emblée, n'engagez pas la population si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire avec le fruit de leur engagement. N'engagez pas parce qu'on veut se donner bonne conscience, qu'on veut dire qu'on a fait de l'accessibilité sociale, qu'on a consulté les gens. Mais je reviens à l'exemple des vidanges. Mais si on produit à peu près en commentaire, un document de 600 pages de recommandations diverses, qui le lit, ce document-là? Oui, c'est ça, là aussi. Qui analyse le résultat? De quelle manière on est en mesure de le faire aussi de manière efficace? Donc, c'est beau consulter, demander des idées, mais il faut garantir aux gens que les gouvernements vont les lire et que les gouvernements vont les appliquer. C'est un peu la deuxième recommandation aussi. C'est ça, j'allais dire. C'est beaucoup. Alors, ça a une surcharge de travail, là, pour le moment. En tout cas, peut-être qu'il y aura des logiciels un jour qui décoderont tout ça, là. Mais pour le moment, entre les petits commentaires qu'on peut lire par écrit, qu'on reçoit à l'hôtel de ville, ou les milliers de commentaires qu'on peut lire sur les médias sociaux, il y a une marge, là. Ça fait beaucoup de travail. Il y a une marge. Ça fait plus de travail, évidemment, parce qu'il faut faire quelque chose avec ça. Parce que si on a consulté les gens, on a responsabilité. C'est un peu la deuxième recommandation du rapport, de leur montrer que ça a eu une incidence. Si on me demande mon avis, si on demande à des milliers de personnes leur avis, voire une nation complète, son opinion, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse en ressortir au bout. Il faut qu'on puisse expliquer aux gens comment on est parti de ces opinions-là pour en arriver avec le résultat qu'on a mis en place. Est-ce qu'il y a une corrélation directe ou est-ce que c'est complètement désincarné? Est-ce que le projet a été le même sans l'apport des citoyens? Si le projet a été le même, c'est peut-être que l'apport des citoyens n'a pas été sollicité de manière adéquate, n'a pas été analysé de manière adéquate, mais il y a une déconnexion. Mm-hmm. Et cette déconnexion-là amène évidemment une désaffection. Donc, on participe, on s'engage, on s'implique. Forcément. Mais si on s'implique puis qu'on n'a pas l'incidence de résultat, la prochaine fois qu'on va nous solliciter, on va dire, finalement, la dernière fois, on m'a sollicité dans le vide, ça ne servait à rien. Donc, j'ai pas envie. Démocratie. C'est encore ça, la démocratie. Oui, mais en fait, c'est clair que c'est pas évident, évidemment. Mais je pense que oui, mais en tout cas, je pose la question quand même, est-ce que ce serait crédible? Je sais pas comment dire, mais est-ce que tout ça, il pourrait pas y avoir des dérives à consulter la population? Moi, je peux envoyer 3 posts je sais pas, En fait, évidemment, il peut y avoir des dérives, de 2 axes, en fait. Le premier axe, c'est peut-être, d'un point de vue pratico-pratique, c'est pas tout le monde qui est sur le web. C'est pas tout le monde qui, via les outils numériques, vont avoir le désir et le réflexe de s'engager. Donc, il faut se demander, c'est une autre des recommandations du rapport, qui je veux engager, premièrement. Puis après ça, utiliser l'outil pour engager les gens que je désire engager, qui est le plus susceptible d'aller les rejoindre. Si je cherche des experts en technologie, évidemment, je vais les trouver sur le web. Si je cherche des jeunes, si je cherche certains groupes, certains profils qui sont que c'est clair qu'ils sont présents sur Internet, évidemment, je vais peut-être être en mesure d'aller les rejoindre là. Ensuite, il faut aussi que j'accompagne ça de campagnes publicitaires, d'outils pour aller rejoindre les gens au-delà d'un communiqué de presse. Mais parallèlement, il y a toujours aussi la question de la fracture numérique. Donc, c'est pas tout le monde qui est sur le web. Et si on dit, je veux rejoindre l'ensemble de la population, faut que je me donne des outils pour rejoindre l'ensemble de la population. Et ça implique aussi des outils traditionnels. Donc, c'est qui est-ce que je veux rejoindre? Quel est l'outil à travers lequel je souhaite le rejoindre? Et quel est l'outil aussi que je souhaite que ces gens-là utilisent pour me rejoindre, moi, comme État, comme gouvernement? Donc, ça aussi, ça devient un autre défi. Et souvent, les gens partent, et c'est un peu une des critiques, d'ailleurs, qui sort de ce rapport-là, c'est dit, regardez, faut pas partir de la technologie. La solution, c'est pas la technologie. La technologie, c'est un outil qui fait partie d'un ensemble de solutions. Mais si on dit, ben, je veux faire une consultation en ligne, ben, peut-être qu'on prend le problème à contre-pied. Donc, je veux faire une consultation sur tel sujet. Dans le contexte de cette consultation-là, est-ce que le moyen en ligne serait peut-être un peu plus adéquat? Si oui, ben, qui je veux rejoindre en ligne, comment je vais faire pour m'assurer que je rejoins ma clientèle cible, et ensuite, ben, quel outil je vais utiliser et comment je vais aller déployer les données ensuite qui vont m'être générées pour prouver à ces gens-là que leur rapport a été pertinent. Donc, c'est de partir par la technologie, c'est un peu valide dans tous les domaines, remarque. C'est prendre le problème à l'envers. C'est juste pas logique. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été retenues? Ben, plusieurs leçons, évidemment. Là, on en sort déjà quelques-unes. Peut-être une autre cruciale. Tu disais un peu qui devait faire ça tantôt, Caroline. Ben, c'est une des six leçons aussi qui a été retenue par Nesta. C'est de dire, ben, assurez-vous, les gens, que votre parti, que le gouvernement, ben, qui désire embarquer là-dedans, en fait, qui appuient déjà de la mise en place d'initiatives-là. Parce que c'est pas gratuit. Et ça, c'est une autre des leçons. Ben, c'est pas gratuit faire de la technologie, là. Ça implique des coûts. Mais la résultante va amener, si c'est bien fait, plus de transparence. Mais il faut aussi le penser en matière de transparence. Je disais depuis tantôt... Mais sur le long terme, ça serait pas rentable, peut-être pas, là, mais est-ce que les coûts diminueraient sur le long terme, ce qu'ils disent, c'est, regardez, il faut pas le penser de manière comptable. Ah, pas du tout. De manière générale, il faut le penser de manière démocratique, de manière transparente. Donc, on est dans un système qui vise, techniquement, à engager la population. On dit, la démocratie, c'est pas seulement lors du vote, c'est tout le temps. Donc, techniquement, il y a possibilité d'en faire un peu plus. On est dans un contexte où il y a une désaffection des gens face au système. Donc, à travers les outils technologiques, il y a peut-être des portes qui peuvent s'ouvrir pour redonner, entre guillemets, la démocratie aux citoyens, ou du moins la perception qu'on en a. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui vont coûter plus cher? Est-ce qu'il y a des choses qui vont coûter moins cher? Évidemment. Autant pour l'un que pour l'autre. Peut-être qu'à terme, il y a des économies à faire, mais ce qu'ils disent, c'est dès qu'on part, si on peut dire, avec un principe comptable, ben justement, là, ça va peut-être influencer le choix de l'outil un peu trop, ça va peut-être influencer le choix du moyen, ça va peut-être influencer les campagnes, et peut-être aussi qu'on va faire des prophéties auto-proclamées. Finalement, on part avec l'idée que ça marchera pas, on met pas bons moyens, on fait pas les bons choix, et on se retrouve avec une approche qui, finalement, n'a pas marché parce qu'on n'a pas mis en place les outils, les choses nécessaires dans le fond pour aller rejoindre les gens qu'on souhaitait rejoindre. Alors, ça reste un gros chantier. Je parlais en départ de changement culturel, et c'est pas faux. Dans le fond, la démocratie telle qu'on la connaît existe depuis quand même un certain temps. Elle n'a pas beaucoup changé. Alors, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et il y en a qui poussent quand même assez loin, là, ne serait-ce que des budgets participatifs, par exemple. Donc, l'idée qu'on met des choses en ligne, des informations par rapport aux choix budgétaires qu'on a à faire, qu'on appelle les gens à voter, à choisir, à discuter, à échanger, mais dans un contexte d'échange qui n'est pas non plus toujours facile. L'échange, on ne veut pas nécessairement le faire sur Facebook, parce que Facebook, c'est une plateforme qui est extrêmement polarisée, qui appelle à la polarisation. On se retrouve dans un contexte de chambre d'écho. Les gens n'ont pas toujours accès à la vraie information non plus. Il y a beaucoup d'informations fausses ou de demi-vérités qui circulent sur le web. Alors, c'est quand même un embrouillamini assez complexe, là. Alors, comment réussir à s'en tirer? C'est évidemment en ayant la volonté d'y aller, mais en sachant que ça ne sera pas facile, mais que ce qui n'est pas facile reste quand même nécessaire. Est-ce qu'il y a des pays qui exemplaire, là, je pense aux pays scandinaves, mais est-ce qu'il y a des pays qui arrivent à voir le numérique et la démocratie dans un bel équilibre? En fait, j'irais beaucoup d'initiatives qui viennent d'Islande, notamment avec le Pirate Party qui a carrément crowdsourcé, donc qui a été à la source pour garnir un peu son programme. Ils ont fait aussi des choses pour Reykjavik, où ils ont été chercher des idées pour l'implication locale. La France en a fait quand même un peu. Bon, dans les exemples qui ont été analysés, on va chercher de l'Espagne, Taïwan, le Brésil. Donc, je pense que tout le monde s'en préoccupe, mais il n'y a pas encore de cas exemplaires, en fait, en termes de participation citoyenne. Il y a des exemples en matière d'intégration du numérique en gouvernement, que ce soit, par exemple, l'Estonie, Singapour, qui ont fait énormément de choses de ce côté-là. Mais en matière de participation citoyenne, j'ai l'impression qu'on en est au balbutiement. Il y a des belles initiatives, mais il n'y a pas encore de cas exemplaires où on dit, oui, voilà une démocratie numérique parfaite. Ouais, à travailler. À travailler. Il n'y a pas d'échéance non plus. Ben, en fait, le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt est le mieux. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça fait plaisir. Plaisir réciproque.